à la tête, elle s'inquiète. Les menottes, serre-les-moi, vas-y doucement. Puis je comprends que t'es peur, t'entends le bruit du guetteur qui crie constamment. Il se fait tard, c'est minette, tes appels en absence, tu sais quand je mens. À la tête, pas de pitié, faut chiffrer, faut des plans, il faut bien que je mange. À la maison, je compte mes sous-sous. Vers la raison, le monde est fou, fou. Mon cœur s'est perdu dans le fou. Si pour toi, je donnerai tout, tout. À la cité, y'a trop de rêves à réaliser. Mauvais chemin, mauvaise idée. Regarde comment le ciel s'est grisé. À la cité, car le million c'était ça l'idée. Mauvais chemin, mauvaise idée. Regarde comment le ciel s'est grisé. Tu voudrais que je soigne tes blessures et tes plaies, que je t'aime comme avant. Mais c'est impossible, impliqué dans les jeans, non. Mon cœur n'est pas avant. Les entrailles abîmées, et pour quelques billets, je suivrai le vent. Et les faits sont réels, c'est la rue pour de vrai, qu'on sait pas les anges. À la maison, je tourne mes sous-sous. Vers la raison, le monde est fou, fou. Mon cœur s'est perdu dans le fou. Si pour toi, je donnerai tout, tout. À la cité, trop de rêves à réaliser. Mauvais chemin, mauvaise idée. Regarde comment le ciel s'est grisé. À la cité, car le million c'était ça l'idée. Mauvais chemin, mauvaise idée. Regarde comment le ciel s'est grisé. Le délit me fait, l'OPJ enquête. Et qu'on est bon en bout. Condamné à perdre, j'ai plus de repères. Pas loin, seul, sans nous. À la cité.